Section 44 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Troisième partie, livre 13e. Suite. Voici maintenant un autre point de vue. Si l'on compare mes lettres officielles aux lettres officielles de mes prédécesseurs, on s'apercevra que dans les miennes, les affaires générales sont traitées autant que les affaires privées, que je suis entraîné par le caractère des idées de mon siècle dans une région plus élevée de l'esprit humain. Cela se peut observer surtout dans la dépêche où je parle à M. Portalis de l'état de l'Italie, où je montre la méprise des cabinets qui regardent comme des conspirations particulières ce qui n'est que le développement de la civilisation. Le mémoire sur la guerre de l'Orient expose aussi des vérités d'un ordre politique qui sortent des voies communes. J'ai causé avec deux papes d'autre chose que des intrigues de cabinet. Je les ai obligés de parler avec moi de religion, de liberté, des destinées futures du monde. Mon discours prononcé au guichet du conclave a le même caractère. C'est à des vieillards que j'ai osé dire d'avancer et de replacer la religion à la tête de la marche de la société. Lecteur, attendez que j'aie terminé mes vanteries pour arriver ensuite au but, à la manière du philosophe Platon faisant sa randonnée autour de son idée. Je suis devenu le vieux Sidraque. L'âge m'allonge le chemin. Je poursuis. Je serai long encore. Plusieurs écrivains de nos jours ont la manie de dédaigner leur talent littéraire pour suivre leur talent politique, l'estimant fort au-dessus du premier. Grâce à Dieu, l'instinct contraire me domine. Je fais peu de cas de la politique par la raison même que j'ai été heureux à ce lansquenet. Pour être un homme supérieur en affaires, il n'est pas question d'acquérir des qualités, il ne s'agit que d'en perdre. Je me reconnais effrontément l'aptitude aux choses positives, sans me faire la moindre illusion sur l'obstacle qui s'oppose en moi à ma réussite complète. Cet obstacle ne vient pas de la muse, il naît de mon indifférence de tout. Avec ce défaut, il est impossible d'arriver à rien d'achevé dans la vie pratique. L'indifférence, j'en conviens, est une qualité des hommes d'État, mais des hommes d'État sans conscience. Il faut savoir regarder d'un œil sec tout événement, avaler des couleuvres comme de la malvoisie, mettre au néant, à l'égard des autres, morale, justice, souffrance, pourvu qu'au milieu des révolutions, on sache trouver sa fortune particulière. Car à ces esprits transcendants, l'accident, bon ou mauvais, est obligé de rapporter quelque chose. Il doit financer à raison d'un trône, d'un cercueil, d'un serment, d'un outrage. Le tarif est marqué par les millionnets des catastrophes et des affronts. Je ne suis pas connaisseur en cette numismatique. Malheureusement, mon insouciance est double. Je ne suis pas plus échauffé pour ma personne que pour le fait. Le mépris du monde venait à Saint-Paul, ermite de sa foi religieuse. Le dédain de la société me vient de mon incrédulité politique. Cette incrédulité me porterait haut dans une sphère d'action, si, plus soigneux de mon sot individu, je savais en même temps l'humilier et le vêtir. J'ai beau faire, je reste un bonnet d'honnête homme, naïvement hébété et tout nu, ne sachant ni ramper ni prendre. Dandilly, parlant de lui, semble avoir peint un côté de mon caractère. « Je n'ai jamais eu aucune ambition, dit-il, parce que j'en avais trop. » Ne pouvant souffrir cette dépendance qui resserre dans des bornes si étroites les effets de l'inclination que Dieu m'a donnée pour des choses grandes, glorieuses à l'État, et qui peuvent procurer la félicité des peuples sans qu'il m'ait été possible d'envisager en tout cela mes intérêts particuliers. Je n'étais propre que pour un roi qui aurait régné par lui-même et qui n'aurait eu d'autre désir que de rendre sa gloire immortelle. Dans ce cas, je n'étais pas propre au roi du jour. Maintenant que je vous ai conduit par la main dans les plus secrets détours de mes mérites, que je vous ai fait sentir tout ce qu'il y a de rare dans mes dépêches, comme un de mes confrères de l'Institut qui chante incessamment sa renommée et qui enseigne aux hommes à l'admirer, maintenant je vous dirai où j'en veux venir par mes vanteries. En montrant ce qu'ils peuvent faire dans les emplois, je veux défendre les gens de lettres contre les gens de diplomatie, de comptoir et de bureau. Il ne faut pas que ceux-ci s'avisent de se croire au-dessus d'hommes dont le plus petit les surpasse de toute la tête. Quand on sait tant de choses, comme messieurs les positifs, on devrait au moins ne pas dire des âneries. Vous parlez de faits, reconnaissez donc les faits. La plupart des grands écrivains de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de l'Angleterre moderne, ont été de grands hommes d'État quand ils ont daigné descendre jusqu'aux affaires. Je ne voulus pas leur donner à entendre, dit Alfieri, refusant une ambassade, que leur diplomatie et leurs dépêches me paraissaient et étaient certainement pour moi moins importantes que mes tragédies ou même celles des autres. Mais il est impossible de ramener cette espèce de gens-là. Ils ne peuvent et ne doivent pas se convertir. Qui fut jamais plus littéraire en France que l'Hôpital, survivancier d'Horace, que d'Ossat, cet habile ambassadeur, que Richelieu, cette forte tête, lequel, non content de dicter des traités de controverse, de rédiger des mémoires et des histoires, inventait incessamment des sujets dramatiques, rimaillait avec Malville et Boisrobert, accouchait à la sueur de son front de l'Académie et de la Grande Pastorale. Est-ce parce qu'il était méchant écrivain qu'il fut grand ministre ? Mais la question n'est pas du plus ou du moins de talent, elle est de la passion de l'encre et du papier. Or jamais M. de l'Empiré ne montra plus d'ardeur, ne fit plus de frais que le cardinal pour ravir la palme du Parnasse, jusque-là que la mise en scène de sa tragique comédie de Mirame lui coûta 200 000 écus. Si dans un personnage à la fois politique et littéraire, la médiocrité du poète fait la supériorité de l'homme d'État, il faudrait en conclure que la faiblesse de l'homme d'État résulterait de la force du poète. Cependant, le génie des lettres a-t-il détruit le génie politique de Solon, élégiaque égal à Simonide, de Périclès dérobant aux muses l'éloquence avec laquelle il subjuguait les Athéniens, de Thucydide et de Démosthène, qui portèrent si haut la gloire de l'écrivain et de l'orateur, tout en consacrant leurs jours à la guerre et à la place publique? A-t-il détruit le génie de Xénophon, qui opérait la retraite des 10 000, tout en rêvant la Cyropédie des deux Scipion, l'un l'ami de Lélius, l'autre associé à la renommée de Terence, de Cicéron, roi des lettres, comme il était père de la patrie, de César, enfin, auteur d'ouvrages de grammaire, d'astronomie, de religion, de littérature, de César, rival d'Archiloque dans la satire, de Sophocle dans la tragédie, de Démosthène dans l'éloquence, et dont les commentaires sont le désespoir des historiens. Nonobstant ces exemples et 1000 autres, le talent littéraire, bien évidemment le premier de tous, parce qu'il n'exclut aucune autre faculté, sera toujours dans ce pays un obstacle au succès politique. À quoi bon, en effet, une haute intelligence ? Cela ne sert à quoi que ce soit. Les sots de France, espèce particulière et toute nationale, n'accordent rien au Grotius, au Frédéric, au Bacon, au Thomas Morus, au Spencer, au Falkland, au Clarendon, au Bolingbroke, au Burke et au Canning de France. Jamais notre vanité ne reconnaîtra à un homme même de génie des aptitudes et la faculté de faire aussi bien qu'un esprit commun des choses communes. Si vous dépassez d'une ligne les conceptions vulgaires, 1000 imbéciles s'écrient, vous vous perdez dans les nues, ravis qu'ils se sentent d'habiter en bas, où ils s'entêtent à penser. Ces pauvres envieux, en raison de leur secrète misère, se rebiffent contre le mérite. Ils renvoient avec compassion Virgile, Racine, Lamartine, à leurs vers. Mais superbe sire, à quoi faut-il vous renvoyer ? À l'oubli. Il vous attend à 20 pas de votre logis, tandis que 20 vers de ses poètes les porteront à la dernière postérité. La première invasion des Français à Rome, sous le Directoire, fut infâme et spoliatrice. La seconde, sous l'Empire, fut inique, mais une fois accompli, l'ordre régnant. La République demanda à Rome, pour un armistice, 22 millions. L'occupation de la citadelle d'Ancône, 100 tableaux et statues, 100 manuscrits au choix des commissaires français. On voulait surtout avoir le buste de Brutus et celui de Marc Aurèle. Tant de gens en France s'appelaient alors Brutus. Il était tout simple qu'ils désirassent posséder la pieuse image de leur père putatif. Mais Marc Aurèle, de qui était-il parent ? Attila, pour s'éloigner de Rome, ne demanda qu'un certain nombre de livres de poivre et de soie. De notre temps, elle s'est un moment rachetée avec des tableaux. De grands artistes, souvent négligés et malheureux, ont laissé leur chef-d'œuvre pour servir de rançon aux ingrates cités qui les avaient méconnus. Les Français de l'Empire eurent à réparer les ravages qu'avaient faits à Rome les Français de la République. Ils devaient aussi une expiation à ce sac de Rome, accompli par une armée que conduisait un prince français. C'était à Bonaparte qu'il convenait de mettre de l'ordre dans des ruines qu'un autre Bonaparte avait vu croître et dont il décrit le bouleversement. Le plan que suivit l'administration française pour le déblaiement du forum fut celui que Raphaël avait proposé à Léon X. Elle fit sortir de terre les trois colonnes du temple de Jupiter tonnant. Elle mit à nu le portique du temple de la Concorde. Elle découvrit le pavé de la voie sacrée. Elle fit disparaître les constructions nouvelles dont le temple de la paix était encombré. Elle enleva les terres qui recouvraient l'emmarchement du Colisée, vida l'intérieur de l'arène et fit reparaître 7 ou 8 salles des bains de Titus. Ailleurs, le forum de Trajan fut exploré. On répara le Panthéon, les thermes de Dioclétien, le temple de la pudicité patricienne. Des fonds furent assignés pour entretenir hors de Rome les murs des Phaléries et le tombeau de Cecilia Metellia. Les travaux d'entretien pour les édifices modernes furent également suivis. Saint-Paul hors des murs, qui n'existe plus, vit restaurer sa toiture. Saint-Agnès, Saint-Martino ai Monti furent défendus contre le temps. On refit une partie des combles et des pavés de Saint-Pierre. Des paratonnerres mirent à l'abri de la foudre le dôme de Michel-Ange. On marqua l'emplacement de 2 cimetières à l'est et à l'ouest de la ville, et celui de l'est, près du couvent de Saint-Laurent, fut terminé. Le Quirinal revêtit son indigence extérieure du luxe des porphyres et des marbres romains. Désigné pour le palais impérial, Bonaparte, avant de l'habiter, voulut y faire disparaître les traces de l'enlèvement du pontife captif à Fontainebleau. On se proposait d'abattre la partie de la ville située entre le Capitole et Monte Cavallo, afin que le triomphateur montât par une immense avenue à sa demeure césarienne. Les événements firent évanouir ces songes gigantesques en détruisant d'énormes réalités. Dans les projets arrêtés était celui de construire une suite de quais depuis Ripetta jusqu'à Ripa Grande. Ces quais auraient été plantés. Les 4 îlots de maisons entre le château Saint-Ange et la place Rusticucci étaient achetés en partie et auraient été démolis. Une large allée eût été ainsi ouverte sur la place Saint-Pierre, qu'on eût aperçue du pied du château Saint-Ange. Les Français font partout des promenades. J'ai vu au Caire un grand carré qu'ils avaient planté de palmiers et environné de cafés, lesquels portaient des noms empruntés au café de Paris. À Rome, mes compatriotes ont créé le Pincio. On y monte par une rampe. En descendant cette rampe, je vis l'autre jour passer une voiture dans laquelle était une femme, encore de quelque jeunesse. À ses cheveux blonds, au galbe mal ébauché de sa taille, à l'inélégance de sa beauté, je l'ai prise pour une grasse et blanche étrangère de la Westphalie. C'était Madame Guiccioli. Rien ne s'arrangeait moins avec le souvenir de Lord Byron. Qu'importe, la fille de Ravenne, dont au reste le poète était là lorsqu'il prit le parti de mourir, n'en ira pas moins, conduite par la muse, se placer dans l'Élysée en augmentant les divinités de la tombe. La partie occidentale de la place du Peuple devait être plantée dans l'espace qu'occupent des chantiers et des magasins. On eût aperçu, de l'extrémité du cours, le Capitole, le Vatican et Saint-Pierre, au-delà des quais du Tibre, c'est-à-dire Rome antique et Rome moderne. Enfin, un bois, création des Français, s'élève aujourd'hui à l'orient du Colisée. On n'y rencontre jamais personne. Quoiqu'il ait grandi, il a l'air d'une broussaille croissant au pied d'une haute ruine. Pline le Jeune écrivait à Maxime « On vous envoie dans la Grèce où la politesse, les lettres, l'agriculture même ont pris naissance. Respectez les dieux, leurs fondateurs, la présence de ces dieux. Respectez l'ancienne gloire de cette nation et la vieillesse sacrée dans les villes comme elle est vénérable dans les hommes. Faites honneur à leurs antiquités, à leurs exploits fameux, à leurs fables même. N'entreprenez rien sur la dignité, sur la liberté, ni même sur la vanité de personne. Ayez continuellement devant les yeux que nous avons puisé notre droit dans ce pays, que nous n'avons pas imposé des lois à ce peuple après l'avoir vaincu, mais qu'il nous a donné les siennes après l'en avoir prié. C'est à Athènes, c'est à Lacédémone que vous devez commander. Il y aurait de l'inhumanité, de la cruauté, de la barbarie à leur ôter l'ombre et le nom de liberté qui leur reste. » Lorsque Pline écrivait ces nobles et touchantes paroles à Maxime, savait-il qu'il rédigeait des instructions pour des peuples, alors barbares, qui viendraient un jour dominer sur les ruines de Rome? Je vais bientôt quitter Rome, et j'espère y revenir. Je l'aime de nouveau passionnément, cette Rome si triste et si belle. J'aurai un panorama au Capitole, où le ministre de Prusse me cédera le petit palais Caffarelli. À Saint-Onufre, je me suis ménagé une autre retraite. En attendant mon départ et mon retour, je ne cesse d'errer dans la campagne. Il n'y a pas de petit chemin entre deux haies que je ne connaisse mieux que les sentiers de Combourg. Du haut du mont Marius et des collines environnantes, je découvre l'horizon de la mer vers Ostie. Je me repose sous les légers et croulants portiques de la Villa Madama. Dans ces architectures changées en fermes, je ne trouve souvent qu'une jeune fille sauvage, effarouchée et grimpante, comme ces chèvres. Quand je sors par la Porta Pia, je vais au pont Lamentano, sur le Téverone. J'admire en passant à Sainte-Agnès une tête de Christ par Michel-Ange, qui garde le couvent presque abandonné. Les chefs-d'œuvre des grands maîtres, ainsi semés dans le désert, remplissent l'âme d'une mélancolie profonde. Je me désole qu'on ait réuni les tableaux de Rome dans un musée. J'aurais bien plus de plaisir par les pentes du Janicule, sous la chute de l'Acqua Paola, au travers de la rue solitaire d'Elie Fornaci, à chercher la transfiguration dans le monastère des Récollets de Saint-Pierre, in Montario. Lorsqu'on regarde la place qu'occupait sur le maître-autel de l'église, l'ornement des funérailles de Raphaël, on a le cœur saisi et attristé. Au-delà du pont Lamentano, des pâturages jaunis s'étendent à gauche jusqu'au Tibre. La rivière qui baignait les jardins d'Horace y coule inconnue. En suivant la grande route, vous trouvez le pavé de l'ancienne voie tiburtine. J'y ai vu cette année arriver la première hirondelle. J'herborise au tombeau de Cecilia Metellia. Le réséda ondé et l'anémone apennine font un doux effet sur la blancheur de la ruine et du sol. Par la route d'Ostie, je me rends à Saint-Paul, dernièrement la proie d'un incendie. Je me repose sur quelques porphyres calcinés, et je regarde les ouvriers qui rebâtissent en silence une nouvelle église. On m'en avait montré quelques colonnes déjà ébauchées à la descente du Simplon. Toute l'histoire du christianisme dans l'Occident commence à Saint-Paul, hors des murs. En France, lorsque nous élevons quelques bicoques, nous faisons un tapage effroyable. Force, machine, multitude d'hommes et de cris. En Italie, on entreprend des choses immenses, presque sans se remuer. Le pape fait dans ce moment même refaire la partie tombée du Colisée. Une demi-douzaine de goujats sans échafaudage redressent le colosse sur les épaules duquel mourut une nation changée en ouvriers esclaves. Près de Vérone, je me suis souvent arrêté pour regarder un curé qui construisait seul un énorme clocher. Sous lui, le fermier de la cure était le maçon. J'achève souvent le tour des murs de Rome à pied. En parcourant ce chemin de ronde, je lis l'histoire de la reine de l'univers païen et chrétien, écrite dans les constructions, les architectures et les âges divers de ces murs. Je vais encore à la découverte de quelques villas délabrées en dedans des murs de Rome. Je visite Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-Latran avec son obélisque, Sainte-Croix de Jérusalem avec ses fleurs. J'y entends chanter, je prie, j'aime à prier à genoux. Mon cœur est ainsi plus près de la poussière et du repos sans fin. Je me rapproche de la tombe. Mes fouilles ne sont qu'une variété des mêmes plaisirs. Du plateau de quelques collines, on aperçoit le dôme de Saint-Pierre. Que paye-t-on aux propriétaires du lieu où sont enfouis des trésors? La valeur de l'herbe détruite par la fouille? Peut-être rendrai-je mon argile à la terre en échange de la statue qu'elle me donnera? Nous ne ferons que troquer une image de l'homme contre une image de l'homme. On n'a point vu Rome quand on n'a point parcouru les rues de ses faubourgs, mêlées d'espaces vides, de jardins pleins de ruines, d'enclos plantés d'arbres et de vignes, de cloîtres où s'élèvent des palmiers et des cyprès, les uns ressemblant à des femmes de l'Orient, les autres à des religieuses en deuil. On voit sortir de ces débris de grandes romaines, pauvres et belles, qui vont acheter des fruits ou puiser de l'eau aux cascades versées par les aqueducs des empereurs et des papes. Pour apercevoir les mœurs dans leur naïveté, je fais semblant de chercher un appartement à louer. Je frappe à la porte d'une maison retirée, on me répond « Favorisca ». J'entre, je trouve dans des chambres nues où un ouvrier exerçant son métier, où une zitella, fière, tricotant ses laines, un chat sur ses genoux, et me regardant errer à l'aventure sans se lever. Quand le temps est mauvais, je me retire dans Saint-Pierre, ou bien je m'égare dans les musées de ce Vatican aux 11 000 chambres et aux 18 000 fenêtres. Juste, l'Ipsée. Quelle solitude de chef-d'œuvre ! On y arrive par une galerie dans les murs de laquelle sont incrustés des épitaphes et d'anciennes inscriptions. La mort semble née à Rome. Il y a dans cette ville plus de tombeaux que de morts. Je m'imagine que les décédés, quand ils se sentent trop échauffés dans leur couche de marbre, se glissent dans une autre restée vide, comme on transporte un malade d'un lit dans un autre lit. On croirait entendre les squelettes passer durant la nuit de cercueil en cercueil. La première fois que j'ai vu Rome, c'était à la fin de juin. La saison des chaleurs augmente le délaissé de la cité. L'étranger fuit, les habitants du pays se renferment chez eux, on ne rencontre pendant le jour personne dans les rues. Le soleil darde ses rayons sur le Colisée, où pendent des herbes immobiles, où rien ne remue que les lézards, la terre est nue, le ciel sans nuages paraît encore plus désert que la terre. Mais bientôt, la nuit fait sortir les habitants de leur palais et les étoiles du firmament. La terre et le ciel se repeuplent, Rome ressuscite, cette vie recommencée en silence dans les ténèbres autour des tombeaux, à l'air de la vie et de la promenade des ombres qui redescendent à l'érèbe aux approches du jour. Hier, j'ai vagué au clair de lune, dans la campagne, entre la porte angélique et le mont Marius. On entendait un rossignol dans un étroit vallon balustré de cannes. Je n'ai retrouvé que là cette tristesse mélodieuse dont parlent les poètes anciens à propos de l'oiseau du printemps. Le long sifflement que chacun connaît et qui précède les brillantes batteries du musicien ailé n'était pas perçant comme celui de nos rossignols. Il y avait quelque chose de voilé comme le sifflement du bouvreuil de nos bois. Toutes ces notes étaient baissées d'un demi-ton. Sa romance à refrain était transposée du majeur au mineur. Il chantait à demi-voix. Il avait l'air de vouloir charmer le sommeil des morts et non de les réveiller. Dans ses parcours incultes, la Lydie d'Horace, la Délie de Tibulle, la Corinne d'Ovide avaient passé, il n'y restait que la Philomèle de Virgile. Cet hymne d'amour était puissant dans ce lieu et à cette heure. Il donnait je ne sais quelle passion d'une seconde vie. Selon Socrate, l'amour est le désir de renaître par l'entremise de la beauté. C'était ce désir que faisait sentir un jeune homme une jeune fille grecque en lui disant « S'il ne me restait que le fil de mon collier de perles, je le partagerais avec toi. » Si j'ai le bonheur de finir mes jours ici, je me suis arrangé pour avoir à Saint-Onufre un réduit joignant la chambre où le Tasse expira. Au moment perdu de mon ambassade, à la fenêtre de ma cellule, je continuerai mes mémoires. Dans un des plus beaux sites de la terre, parmi les orangers et les chênes verts, Rome entière sous mes yeux chaque matin, en me mettant à l'ouvrage, entre le lit de mort et la tombe du poète, j'invoquerai le génie de la gloire et du malheur. Dans les premiers jours de mon arrivée à Rome, lorsque j'errais ainsi à l'aventure, je rencontrai entre les bains de Titus et le Colisée une pension de jeunes garçons. Un maître à chapeau rabattu, à robe traînante et déchirée, ressemblant à un pauvre frère de la doctrine chrétienne, les conduisait. Passant près de lui, je le regarde, je lui trouve un faux air de mon neveu Christian de Chateaubriand, mais je n'osais en croire mes yeux. Il me regarde à son tour, et sans montrer aucune surprise, il me dit « Mon oncle !» Je me précipite tout ému, et je le serre dans mes bras. D'un geste de la main, il arrête derrière lui son troupeau, obéissant et silencieux. Christian était à la fois pâle et noirci, miné par la fièvre et brûlé par le soleil. Il m'apprit qu'il était chargé de la préfecture des études, au collège des Jésuites, alors en vacances à Tivoli. Il avait presque oublié sa langue, il s'énonçait difficilement en français, ne parlant et n'enseignant qu'en italien. Je contemplais, les yeux pleins de larmes, ce fils de mon frère devenu étranger, vêtu d'une souquenille noire, poudreuse, maître d'école à Rome, et couvrant d'un feutre de cénobite son noble front qui portait si bien le casque. J'avais vu naître Christian. Quelques jours avant mon émigration, j'assistais à son baptême. Son père, son grand-père, le président de Rosambo, et son bisaïeul, M. de Malesherbes, étaient présents. Celui-ci le tint sur les fonds et lui donna son nom, Christian. L'église Saint-Laurent était déserte et déjà à demi dévastée. La nourrice et moi nous reprîmes l'enfant des mains du curé. Io piangendo ti pressi et in breve sesta fuor ti portai. Tasso. Le nouveau-né fut reporté à sa mère, placée sur son lit, où cette mère et sa grand-mère, Madame de Rosambeau, le reçurent avec des pleurs de joie. 2 ans après, le père, le grand-père, le bisaïeul, la mère et la grand-mère avaient péri sur l'échafaud, et moi, témoin du baptême, j'errais, exilé. Tels étaient les souvenirs que l'apparition subite de mon neveu fit revivre dans ma mémoire au milieu des ruines de Rome. Christian a déjà passé orphelin la moitié de sa vie. Il a voué l'autre moitié aux autels, foyer toujours ouvert du père commun des hommes. Christian avait pour Louis, son digne frère, une amitié ardente et jalouse. Lorsque Louis se fut marié, Christian partit pour l'Italie. Il y connut le duc de Rohan-Chabot et il y rencontra Madame Récamier. Comme son oncle, il est revenu habiter Rome, lui dans un cloître, moi dans un palais. Il entra en religion pour rendre à son frère une fortune qu'il ne croyait pas posséder légitimement par les nouvelles lois. Ainsi, Malesherbes est maintenant, avec Combourg, à Louis. Après notre rencontre inattendue au pied du Colisée, Christian, accompagné d'un frère jésuite, me vint voir à l'ambassade. Il avait le maintien triste et l'air sérieux. Jadis, il riait toujours. Je lui demandai s'il était heureux. Il me répondit « J'ai souffert longtemps. Maintenant, mon sacrifice est fait et je me trouve bien. » Christian a hérité du caractère de fer de son aïeul paternel, M. de Chateaubriand, mon père, et des vertus morales de son bisaïeul maternel, M. de Malesherbes. Ses sentiments sont renfermés, bien qu'il les montre, sans égard aux préjugés de la foule, quand il s'agit de ses devoirs. Dragon dans la garde, en descendant de cheval, il allait à la sainte table. On ne s'en moquait point, car sa bravoure et sa bienfaisance étaient l'admiration de ses camarades. On a découvert, depuis qu'il a renoncé au service, qu'il secourait secrètement un nombre considérable d'officiers et de soldats. Il a encore des pensionnaires dans les greniers de Paris, et Louis acquitte les dettes fraternelles. Un jour, en France, je manquerais de Christian s'il se marierait. « Si je me mariais, répondit-il, j'épouserais une de mes petites parentes, la plus pauvre. » Christian passe les nuits à prier. Il se livre à des austérités dont ses supérieurs sont effrayés. Une plaie qui s'était formée à l'une de ses jambes lui était venue de sa persévérance à se tenir à genoux, des heures entières. Jamais l'innocence ne s'est livrée à tant de repentir. Christian n'est point un homme de ce siècle. Il me rappelle ses ducs et ses comtes de la cour de Charlemagne qui, après avoir combattu contre les Sarrasins, fondaient des couvents sur les sites déserts de Gélone ou de Madaval. Et s'y faisait moine. Je le regarde comme un saint, je l'invoquerai volontiers. Je suis persuadé que ses bonnes œuvres, unies à celles de ma mère et de ma sœur Julie, m'obtiendraient grâce auprès du souverain juge. J'ai aussi du penchant au cloître, mais mon heure étant venue, c'était la portioncule, sous la protection de mon patron appelé François, parce qu'il parlait français, que j'irai demander une solitude. Je veux traîner seul mes sandales, je ne souffrirai pour rien au monde qu'il y eût 2 têtes dans mon froc. Jeune encore, dit le Dante, le soleil d'Assise épousa une femme à qui, comme à la mort, personne n'ouvre la porte du plaisir. Cette femme, veuve de son premier mari depuis plus de 1100 ans, avait langui obscure et méprisée. En vain elle était montée avec le Christ sur la croix. Quels sont les amants que te désignent ici mes paroles mystérieuses? François et la pauvreté. Francesco et Proverta, Paradiso, Cantique 11. À Madame Récamier, Rome, 16 mai 1829. Cette lettre partira de Rome quelques heures après moi et arrivera quelques heures avant moi à Paris. Elle va clore cette correspondance qui n'a pas manqué un seul courrier et qui doit former un volume entre vos mains. J'éprouve un mélange de joie et de tristesse que je ne puis vous dire. Pendant 3 ou 4 mois, je me suis assez déplu à Rome. Maintenant, j'ai repris à ces nobles ruines, à cette solitude si profonde, si paisible, et pourtant si pleine d'intérêt et de souvenirs. Peut-être aussi le succès inespéré que j'ai obtenu ici m'a attaché. Je suis arrivé au milieu de toutes les préventions suscitées contre moi, et j'ai tout vaincu. On paraît me regretter. Que vais-je retrouver en France? Du bruit au lieu de silence, de l'agitation au lieu de repos, de la déraison, des ambitions, des combats de place et de vanité. Le système politique que j'ai adopté est tel que personne n'en voudrait peut-être, et que d'ailleurs on ne me mettrait pas à même de l'exécuter. Je me chargerais encore de donner une grande gloire à la France, comme j'ai contribué à lui obtenir une grande liberté. Mais me ferait-on table rase? Me dirait-on, soyez le maître, disposez de tout au péril de votre tête? Non. On est si loin de me dire une pareille chose que l'on prendrait tout le monde avant moi, et que l'on ne m'admettrait qu'après avoir essuyé les refus de toutes les médiocrités de la France, et qu'on croirait me faire une grande grâce en me reléguant dans un coin obscur. Je vais vous chercher. Ambassadeur ou non, c'est à Rome que je voudrais mourir. En échange d'une petite vie, j'aurai du moins une grande sépulture jusqu'au jour où j'irai remplir mon cénotaphe dans le sable qui m'a vu naître. Adieu. J'ai déjà fait plusieurs lieues vers vous. J'eus un grand plaisir à revoir mes amis. Note. Chateaubriand rentra à Paris le 28 mai 1829. Les pages qui vont suivre jusqu'à la fin du livre 13 ont été écrites à Paris rue d'Enfer en août et septembre 1830. Fin de note. Je ne rêvais qu'au bonheur de les emmener avec moi et de finir mes jours à Rome. J'écrivis pour mieux m'assurer encore du petit palais Caffarelli que je projetais de louer sur le Capitole et de la cellule que je postulais à Saint-Onufre. J'achetais des chevaux anglais et je les fis partir pour les prairies des Vendres. Je disais déjà adieu dans ma pensée à ma patrie avec une joie qui méritait d'être punie. Lorsqu'on a voyagé dans sa jeunesse et qu'on a passé beaucoup d'années hors de son pays, on s'est accoutumé à placer partout sa mort. En traversant les mers de la Grèce, il me semblait que tous ces monuments que j'apercevais sur les promontoires étaient des hôtelleries où mon lit était préparé. J'allais faire ma cour au roi à Saint-Cloud. Il me demanda quand je retournais à Rome. Il était persuadé que j'avais un bon cœur et une mauvaise tête. Le fait est que j'étais précisément l'inverse de ce que Charles X pensait de moi. J'avais très froide et très bonne tête, et le cœur qu'a pour les 3/4 du genre humain. Je trouvais le roi dans une fort mauvaise disposition à l'égard de son ministère. Il le faisait attaquer par certains journaux royalistes, ou plutôt, lorsque les rédacteurs de ses feuilles allaient lui demander s'il ne les trouvait pas trop hostiles, il s'écriait « Non, non, continuez !» Quand M. de Martignac avait parlé « Eh bien, disait Charles X, avez-vous entendu la pasta ?» Les opinions libérales de M. Hyde de Neuville lui étaient antipathiques. Il trouvait plus de complaisance dans M. Portalis, le fédéré, qui portait sa cupidité sur son visage. C'est à M. Portalis que la France doit ses malheurs. Quand je le vis à Passy, je m'aperçus de ce que j'avais en partie deviné. Le garde des Sceaux, en faisant semblant de tenir par intérim le ministère des Affaires étrangères, mourait d'envie de le conserver, bien qu'il se fût pourvu, à tout événement, de la place de président de la Cour de cassation. Le roi, quand il s'était agi de disposer des affaires étrangères, avait prononcé « Je ne dis pas que Chateaubriand ne sera pas mon ministre, mais pas à présent. » Le prince de Laval avait refusé. Monsieur de La Ferronnays ne se pouvait plus livrer à un travail suivi. Dans l'espoir que de guerre lasse, le portefeuille lui resterait, Monsieur Portalis ne faisait rien pour déterminer le roi. Plein de mes délices futures de Rome, je m'y laissais aller sans trop sonder l'avenir. Il me convenait assez que M. Portalis gardât l'intérim, à l'abri duquel ma position politique restait la même. Il ne me vint pas un seul instant dans l'idée que M. de Polignac pourrait être investi du pouvoir. Son esprit borné, fixe et ardent, son nom fatal et impopulaire, son entêtement, ses opinions religieuses exaltées jusqu'au fanatisme, me paraissaient des causes d'une éternelle exclusion. Il avait, il est vrai, souffert pour le roi. Mais il en était largement récompensé par l'amitié de son maître et par la haute ambassade de Londres que je lui avais donnée sous mon ministère malgré l'opposition de M. de Villèle. De tous les ministres en place que je trouvais à Paris, excepté l'excellent M. Hyde de Neuville, pas un ne me plaisait. Je sentais en eux une capacité implacable qui me laissait de l'inquiétude sur la durée de leur empire. M. de Martignac, d'un talent de parole agréable, avait une voix douce et épuisée comme celle d'un homme à qui les femmes ont donné quelque chose de leur séduction et de leur faiblesse. Pythagore se souvenait d'avoir été une courtisane charmante nommée Alcée. L'ancien secrétaire d'ambassade de l'abbé Seyès avait aussi une suffisance contenue, un esprit calme, un peu jaloux. Je l'avais, en 1823, envoyé en Espagne, dans une position élevée et indépendante. Mais il aurait voulu être ambassadeur. Il était choqué de n'avoir pas reçu un emploi qu'il croyait dû à son mérite. Mon goût ou mes déplaisances importaient peu. La chambre commit une faute en renversant un ministère qu'elle aurait dû conserver à tout prix. Ce ministère modéré servait de garde-fou à des abîmes. Il était aisé de le jeter bas, car il ne tenait à rien, et le roi lui était ennemi. Raison de plus pour ne faire aucune chicane à ses hommes, pour leur donner une majorité à l'aide de laquelle ils se fussent maintenus, et auraient fait place un jour sans accident à un ministère fort. En France, on ne sait rien attendre. On a horreur de tout ce qui a l'apparence du pouvoir, jusqu'à ce qu'on le possède. Au surplus, M. de Martignac a démenti noblement ses faiblesses en dépensant avec courage le reste de sa vie dans la défense de M. de Polignac. Les pieds me brûlaient à Paris, je ne pouvais m'habituer au ciel gris et triste de la France, ma patrie. Qu'aurais-je donc pensé du ciel de la Bretagne, ma matrie, pour parler grec? Mais là, du moins, il y a des vents de mer ou des calmes. Tumidis albens fluctibus, ou venti possuere. Mes ordres étaient donnés pour exécuter dans mon jardin et dans ma maison rue d'enfer les changements et les accroissements nécessaires afin qu'à ma mort, le legs que je voulais faire de cette maison à l'infirmerie de Madame de Chateaubriand fût plus profitable. Je destinais cette propriété à la retraite de quelques artistes et de quelques gens de lettres malades. Je regardais le soleil pâle et je lui disais « Je vais bientôt te retrouver avec un meilleur visage et nous ne nous quitterons plus ». Ayant pris congé du roi et espérant le débarrasser pour toujours de moi, je montai en calèche. J'allais d'abord aux Pyrénées prendre les eaux de Cotteret. Là, traversant le Languedoc et la Provence, je devais me rendre à Nice, où je rejoindrais Madame de Chateaubriand. Nous passions ensemble la corniche, nous arrivions à la ville éternelle que nous traversions sans nous arrêter, et, après 2 mois de séjour à Naples, au berceau du Tasse, nous revenions à sa tombe à Rome. Ce moment est le seul de ma vie où j'ai été complètement heureux, où je ne désirais plus rien, où mon existence était remplie, où je n'apercevais jusqu'à ma dernière heure qu'une suite de jours de repos. Je touchais au port, j'y entrais à pleine voile comme Palinure, inopina quies. Tout mon voyage jusqu'aux Pyrénées fut une suite de rêves. Je m'arrêtais quand je voulais, je suivais sur ma route les chroniques du Moyen-Âge que je retrouvais partout. Dans le Berry, je voyais ces petites routes bocagères que l'auteur de Valentine nomme des traînes et qui me rappelaient ma Bretagne. Richard Cœur de Lion avait été tué à Chalus, au pied de cette tour. Enfant musulman, paix là, voici le roi Richard. À Limoges, j'ôtais mon chapeau par respect pour Molière. À Périgueux, les perdrix dans leur tombeau de faïence ne chantaient plus de différentes voix comme au temps d'Aristote. Je rencontrais là mon vieil ami Clausel de Coussergues. Il portait avec lui quelques-unes des pages de ma vie. À Bergerac, j'aurais pu regarder le nez de Cyrano sans être obligé de me battre contre ce cadet aux gardes. Je le laissais dans sa poussière avec ces dieux que l'homme a fait et qui n'ont pas fait l'homme. À Auch, j'admirais les stalles sculptées sur des cartons venus de Rome à la belle époque des arts. Dossat, mon devancier à la cour de Saint-Père, était né près d'Auch. Le soleil ressemblait déjà à celui de l'Italie. À Tarbes, j'aurais voulu héberger à l'hôtel de l'Étoile, où Froissart descendit avec Messire Espin de Lyon, vaillant homme et sage et beau chevalier, où il trouva de bons foins, de bonnes avoines et de belles rivières. Au lever des Pyrénées sur l'horizon, le cœur me battait. Du fond de 23 années sortirent des souvenirs embellis dans les lointains du temps. Je revenais de la Palestine et de l'Espagne, lorsque de l'autre côté de leur chaîne, je découvris le sommet de ces mêmes montagnes. Je suis de l'avis de Madame de Motteville. Je pense que c'est dans un de ces châteaux des Pyrénées qu'habitait Urgande, la déconnue. Le passé ressemble à un musée d'antique. On y visite les heures écoulées. Chacun peut y reconnaître les siennes. Un jour, me promenant dans une église déserte, j'entendis des pas se traînant sur les dalles, comme ceux d'un vieillard qui cherchait sa tombe. Je regardais et n'aperçus personne. C'était moi qui m'étais révélé à moi. Plus j'étais heureux à Cotteret, plus la mélancolie de ce qui était fini me plaisait. La vallée étroite et resserrée est animée d'un gave. Au-delà de la ville et des fontaines minérales, elle se divise en 2 défilés, dont l'un célèbre par ses sites aboutit au pont d'Espagne et au glacier. Je me trouvais bien des bains. J'achevais seul de longues courses en me croyant dans les escarpements de la Sabine. Je faisais tous mes efforts pour être triste et je ne le pouvais. Je composais quelques strophes sur les Pyrénées. Je disais J'avais vu fuir les mers de Solym et d'Athènes, d'Ascalon et du Nil, les mouvantes arènes, Carthage abandonnée et son port blanchissant. Le vent léger du soir arrondissait ma voile, et de Vénus l'étoile mêlait sa perle humide à l'or pur du couchant. Assis au pied du mât de mon vaisseau rapide, mes yeux cherchaient de loin ces colonnes d'Alcide, où choquent leurs tridents de Neptune irrités, de l'antique Hespérie abordant le rivage, du noble avant-serrage, le mystère m'ouvrit les palais enchantés. Comme une jeune abeille aux roses engagée, ma muse revenait de son butin chargé, et cueillit sur la fleur des plus beaux souvenirs. Dans les monts que Roland brisa par sa vaillance, je comptais à sa lance l'orgueil de mes dangers, tentés pour des plaisirs. De l'âge délaissé quand survient la disgrâce, fuyons, fuyons les bords qui, gardant notre trace, nous font dire du temps en mesurant le cours. Alors j'avais un frère, une mère, une amie, félicité ravie, combien me reste-t-il de parents et de jours. Il me fut impossible d'achever mon ode. J'avais drapé lugubrement mon tambour pour battre le rappel des rêves de mes nuits passées. Mais toujours, parmi ces rappelés, se mêlaient quelques songes du moment dont la mine heureuse déjouait l'air consterné de leurs vieux confrères. Voilà qu'en poétisant, je rencontrai une jeune femme assise au bord du gave. Elle se leva et vint droit à moi. Elle savait par la rumeur du hameau que j'étais à Cotteray. Il se trouva que l'inconnue était une Occitanienne qui m'écrivait depuis 2 ans sans que je l'eusse jamais vue. La mystérieuse anonyme se dévoila, patuit Dea. J'allais rendre ma visite respectueuse à la naïade du torrent. Un soir, qu'elle m'accompagnait lorsque je me retirais, elle me voulut suivre. Je fus obligé de la reporter chez elle dans mes bras. Jamais je n'ai été si honteux. Inspirer une sorte d'attachement à mon âge me semblait une véritable dérision. Plus je pouvais être flatté de cette bizarrerie, plus j'en étais humilié, la prenant avec raison pour une moquerie. Je me serais volontiers caché de vergogne parmi les ours, nos voisins. J'étais loin de me dire ce que disait Montaigne. L'amour me rend droit la vigilance, la sobriété, la grâce, le soin de ma personne. Mon pauvre Michel, tu dis des choses charmantes, mais à notre âge, vois-tu, l'amour ne nous rend pas ce que tu supposes ici. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de nous mettre franchement de côté. Au lieu donc de me mettre aux études sains et sages par où je puisse me rendre plus aimé, j'ai laissé s'effacer l'impression fugitive de ma clémence isolée. La brise de la montagne a bientôt emporté ce caprice d'une fleur. La spirituelle, déterminée et charmante étrangère de 16 ans m'a su gré de m'être rendue justice. Elle est mariée. Des bruits de changement de ministre étaient parvenus dans nos sapinières. Les gens bien instruits allaient jusqu'à parler du prince de Polignac. Mais j'étais d'une incrédulité complète. Enfin, les journaux arrivent, je les ouvre, et mes yeux sont frappés de l'ordonnance officielle qui confirme les bruits répandus. J'avais bien éprouvé des changements de fortune depuis que j'étais au monde, mais je n'étais jamais tombé d'une pareille hauteur. Ma destinée avait encore une fois soufflé sur mes chimères. Ce souffle du sort n'effaçait pas seulement mes illusions, il enlevait la monarchie. Ce coup me fit un mal affreux. J'eus un moment de désespoir, car mon parti fut pris à l'instant. Je sentis que je me devais retirer. La poste m'apporta une foule de lettres, toutes m'enjoignaient d'envoyer ma démission. Des personnes même que je connaissais à peine se crurent obligées de me prescrire la retraite. Je fus choqué de cet officieux intérêt pour ma bonne renommée. Grâce à Dieu, je n'ai jamais eu besoin qu'on me donnât des conseils d'honneur. Ma vie a été une suite de sacrifices qui ne m'ont jamais été commandés par personne. En fait de devoir, j'ai l'esprit primesautier. Les chutes me sont des ruines car je ne possède que des dettes. Dettes que je contracte dans des places où je ne demeure pas assez de temps pour les payer. De sorte que toutes les fois que je me retire, je suis réduit à travailler au gage d'un libraire. Quelques-uns de ces fiers obligeants, qui me prêchaient l'honneur et la liberté par la poste, et qui me les prêchèrent encore bien plus haut lorsque j'arrivai à Paris, donnèrent leur démission de conseiller d'État. Mais les uns étaient riches, les autres ne se démirent pas des places secondaires qu'ils possédaient, et qui leur laissèrent les moyens d'exister. Ils firent comme les protestants, qui rejettent quelques dogmes des catholiques, et qui en conservent d'autres tout aussi difficiles à croire. Rien de complet dans ces oblations, rien d'une pleine sincérité. On quittait 12 ou 15 000 livres de rente, il est vrai, mais on rentrait chez soi opulent de son patrimoine, ou du moins pourvu de ce pain quotidien qu'on avait prudemment gardé. Avec ma personne, pas tant de façon, on était rempli pour moi d'abnégation, on ne pouvait jamais assez se dépouiller de tout ce que je possédais. Allons, Georges Dandin, le cœur au ventre, corbleu, mon gendre, me fourlignez pas. Habiba, jetez par la fenêtre 200 000 livres de rente, une place selon vos goûts, une haute et magnifique place, l'Empire des Arts à Rome, le bonheur d'avoir enfin reçu la récompense de vos luttes longues et laborieuses. Tel est notre bon plaisir. À ce prix, vous aurez notre estime. De même que nous nous sommes dépouillés d'une casaque sous laquelle nous avons un bon gilet de flanelle, de même, vous quitterez votre manteau de velours pour rester nu. Il y a égalité parfaite, parité d'hôtel et d'holocauste. Et chose étrange, dans cette ardeur généreuse à me pousser dehors, les hommes qui me signifiaient leur volonté n'étaient ni mes amis réels, ni les copartageants de mes opinions politiques. Je devais m'immoler sur le champ au libéralisme, à la doctrine qui m'avait continuellement attaqué. Je devais courir le risque d'ébranler le trône légitime pour mériter l'éloge de quelques poltrons d'ennemis qui n'avaient pas le courage entier de mourir de faim. J'allais me trouver noyé dans une longue ambassade. Les fêtes que j'avais données m'avaient ruiné. Je n'avais pas payé les frais de mon premier établissement. Mais ce qui me navrait le cœur, c'était la perte de ce que je m'étais promis de bonheur pour le reste de ma vie. Je n'ai point à me reprocher d'avoir octroyé à personne ces conseils catoniens qui appauvrissent celui qui les reçoit, et non celui qui les donne. Bien convaincu que ces conseils sont inutiles à l'homme qui n'en a point le sentiment intérieur. Dès le premier moment, je l'ai dit, ma résolution fut arrêtée. Elle ne me coûta pas à prendre, mais elle fut douloureuse à exécuter. Lorsqu'à Lourdes, au lieu de tourner au midi et de rouler vers l'Italie, je pris le chemin de Pau, mes yeux se remplirent de larmes. J'avoue ma faiblesse. Qu'importe si je n'en ai pas moins accepté et tenu le cartel que m'envoyait la fortune. Je ne revins pas vite, afin de laisser les jours s'écouler. Je dépelotonnais lentement le fil de cette route que j'avais remontée avec tant d'allégresse il y avait à peine quelques semaines. Le prince de Polignac craignait ma démission. Il sentait qu'en me retirant, je lui enlèverais aux chambres des votes royalistes et que je mettrais son ministère en question. On lui suggéra la pensée de m'envoyer une estafette aux Pyrénées avec ordre du roi de me rendre immédiatement à Rome pour recevoir le roi et la reine de Naples qui venaient marier leur fille en Espagne. J'aurais été fort embarrassé si j'avais reçu cet ordre. Peut-être me serais-je cru obligé d'y obéir, quitte à donner ma démission après l'avoir remplie. Mais une fois à Rome, que serait-il arrivé ? Je me serais peut-être attardé, les fatales journées m'auraient pu surprendre au Capitole, peut-être aussi l'indécision où j'aurais pu rester aurait-elle donné la majorité parlementaire à M. de Polignac, qui ne lui faillit que de quelques voix. L'adresse alors ne passait pas, les ordonnances, résultat de cette adresse, n'auraient peut-être pas paru nécessaires à leurs funestes auteurs. Diis aliter visum. Je trouvai à Paris Mme de Chateaubriand toute résignée. Elle avait la tête tournée d'être ambassadrice à Rome, et certes une femme l'aurait à moins. Mais, dans les grandes circonstances, ma femme n'a jamais hésité d'approuver ce qu'elle pensait propre à mettre de la consistance dans ma vie et à rehausser mon nom dans l'estime publique. En cela, elle a plus de mérite qu'une autre. Elle aime la représentation, les titres et la fortune. Elle déteste la pauvreté et le ménage chétif. Elle méprise ses susceptibilités, ses excès de fidélité et d'immolation, qu'elle regarde comme de vrai du prix, dont personne ne vous sait gré. Elle n'aurait jamais crié « Vive le roi !» quand même. Mais quand il s'agit de moi, tout change. Elle accepte d'un esprit ferme mes disgrâces en les maudissant. Il me fallait toujours jeûner, veiller, prier pour le salut de ceux qui se gardaient bien de se vêtir du cilice dont ils s'empressaient de m'affubler. J'étais l'âne saint, l'âne chargé des arides reliques de la liberté, reliques qu'ils adoraient en grande dévotion, pourvu qu'ils n'eussent pas la peine de les porter. Le lendemain de mon retour à Paris, je me rendis chez M. de Polignac. Je lui avais écrit cette lettre en arrivant. Paris, ce 28 août 1829. Prince, j'ai cru qu'il était plus digne de notre ancienne amitié, plus convenable de la haute mission dont j'étais honoré, et avant tout plus respectueux envers le roi, de venir déposer moi-même ma démission à ses pieds que de vous la transmettre précipitamment par la poste. Je vous demande un dernier service, c'est de supplier Sa Majesté de vouloir bien m'accorder une audience et d'écouter les raisons qui m'obligent à renoncer à l'ambassade de Rome. Croyez, prince, qu'il m'en coûte, au moment où vous arrivez au pouvoir, d'abandonner cette carrière diplomatique que j'ai eu le bonheur de vous ouvrir. Agréez, je vous prie, l'assurance des sentiments que je vous ai voués et de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, prince, votre très humble et très obéissant serviteur, Chateaubriand. En réponse à cette lettre, on m'adressa ce billet des bureaux des affaires étrangères. Le prince de Polignac a l'honneur d'offrir ses compliments à monsieur le vicomte de Chateaubriand et le prie de passer au ministère demain dimanche à 9 heures précises, si cela lui est possible, samedi 4 heures. J'y répliquai sur le champ par cet autre billet, Paris, ce 29 août 1829, au soir. J'ai reçu, prince, une lettre de vos bureaux qui m'invite à passer demain 30 à 9 heures précises au ministère, si cela m'est possible. Comme cette lettre ne m'annonce pas l'audience du roi que je vous avais prié de demander, j'attendrai que vous ayez quelque chose d'officiel à me communiquer sur la démission que je désire mettre au pied de Sa Majesté. 1000 compliments empressés, Chateaubriand. Alors monsieur de Polignac m'écrivit ces mots de sa propre main. « J'ai reçu votre petit mot, mon cher vicomte. Je serai charmé de vous voir demain sur les 10 heures, si cette heure peut vous convenir. Je vous renouvelle l'assurance de mon ancien et sincère attachement, le prince de Polignac. » Ce billet me parut de mauvais augure. Sa réserve diplomatique me fit craindre un refus du roi. Je trouvai le prince de Polignac dans le grand cabinet que je connaissais si bien. Il accourut au-devant de moi, me serra la main avec une effusion de cœur que j'aurais voulu croire sincère. Et puis, me jetant un bras sur l'épaule, nous commençâmes à nous promener, lentement, d'un bout à l'autre du cabinet. Il me dit qu'il n'acceptait point ma démission, que le roi ne l'acceptait pas, qu'il fallait que je retournasse à Rome. Toutes les fois qu'il répétait cette dernière phrase, il me crevait le cœur. « Pourquoi, me disait-il, ne voulez-vous pas être dans les affaires avec moi, comme avec l'affaire René et Portalis ? Ne suis-je pas votre ami ? Je vous donnerai à Rome tout ce que vous voudrez. En France, vous serez plus ministre que moi. J'écouterai vos conseils. Votre retraite peut faire naître de nouvelles divisions. Vous ne voulez pas nuire au gouvernement. Le roi sera fort irrité si vous persistez à vouloir vous retirer. Je vous en supplie, cher vicomte, ne faites pas cette sottise. » Je répondis que je ne faisais pas une sottise, que j'agissais dans la pleine conviction de ma raison, que son ministère était très impopulaire, que ses préventions pouvaient être injustes, mais qu'enfin elles existaient, que la France entière était persuadée qu'il attaquerait les libertés publiques, et que moi, défenseur de ces libertés, il m'était impossible de m'embarquer avec ceux qui passaient pour en être les ennemis. J'étais assez embarrassé dans cette réplique, car au fond, je n'avais rien à objecter d'immédiat aux nouveaux ministres. Je ne pouvais les attaquer que dans un avenir qu'ils étaient en droit de nier. Monsieur de Polignac me jurait qu'il aimait la charte autant que moi. Mais il l'aimait à sa manière, il l'aimait de trop près. Malheureusement, la tendresse que l'on montre à une fille que l'on a déshonorée lui sert peu. La conversation se prolongea sur le même texte près d'une heure. Monsieur de Polignac finit par me dire que si je consentais à reprendre ma démission, le roi me verrait avec plaisir et écouterait ce que je voudrais lui dire contre son ministère, mais que si je persistais à vouloir donner ma démission, Sa Majesté pensait qu'il lui était inutile de me voir et qu'une conversation entre elle et moi ne pouvait être qu'une chose désagréable. Je répliquai, « Regardez donc, prince, ma démission comme donnée. Je ne me suis jamais rétracté de ma vie, et puisqu'il ne convient pas au roi de voir son fidèle sujet, je n'insiste plus. » Après ces mots, je me retirai. Je priai le prince de rendre à monsieur le duc de Laval l'ambassade de Rome, s'il la désirait encore, et je lui recommandai ma légation. Je repris ensuite à pied par le boulevard des Invalides le chemin de mon infirmerie, pauvre blessé que j'étais. Monsieur de Polignac me parut, lorsque je le quittai, dans cette confiance imperturbable qui faisait de lui un muet éminemment propre à étrangler un empire. Ma démission d'ambassadeur à Rome étant donnée, j'écrivis au souverain pontife. « Très Saint-Père, ministre des Affaires étrangères en France en 1823, j'eus le bonheur d'être l'interprète des sentiments de feu roi Louis XVIII pour l'exaltation désirée de votre sainteté à la chaire de Saint-Pierre. Ambassadeur de Sa Majesté Charles X, près la cour de Rome, j'ai eu le bonheur plus grand encore de voir votre béatitude élevée au souverain pontificat et de l'entendre m'adresser des paroles qui seront la gloire de ma vie. En terminant la haute mission que j'avais l'honneur de remplir auprès d'elle, je viens lui témoigner les vifs regrets dont je ne cesserai d'être pénétré. Il ne me reste, très Saint-Père, qu'à mettre à vos pieds sacrés ma sincère reconnaissance pour vos bontés et à vous demander votre bénédiction apostolique. Je suis, avec la plus grande vénération et le plus profond respect, de votre sainteté, le très humble et très obéissant serviteur, Chateaubriand. J'achevais pendant plusieurs jours de me déchirer les entrailles dans mon utique. J'écrivis des lettres pour démolir l'édifice que j'avais élevé avec tant d'amour. Comme dans la mort d'un homme, ce sont les petits détails, les actions domestiques et familières qui touchent. Dans la mort d'un songe, les petites réalités qui le détruisent sont plus poignantes. Un exil éternel sur les ruines de Rome avait été ma chimère. Ainsi que Dante, je m'étais arrangé pour ne plus rentrer dans ma patrie. Ces élucidations testamentaires n'auront pas pour les lecteurs de ces mémoires l'intérêt qu'elles ont pour moi. Le vieil oiseau tombe de la branche où il se réfugie. Il quitte la vie pour la mort, entraîné par le courant. Il n'a fait que changer de fleuve. Fin de la section 44.